je suis amoureux et tu me rends. Je suis trop gentil, c'est ce qu'on me dit. Tu me fais subir toutes tes envies. Mais le temps passé quand t'es pas là, c'est encore pire, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qui m'arrive dans tout mon corps? Je me sens partir, tu me jettes un sort. Un truc bizarre qui se déchaîne, une sorte de bombe qui nous entraîne. Tu m'as quitté, ne pouvant pas te libérer. Un rendez-vous on s'est donné, un an plus tard c'était juré. On s'est écrit chacun une lettre, qu'on ouvrira ce jour peut-être. Et puis la date est arrivée, je t'ai attendu toute la journée. Qu'est-ce qui m'arrive dans tout mon corps? Je me sens partir, tu me jettes un sort. Un truc bizarre qui se déchaîne, une sorte de bombe qui nous entraîne. J'ai lu ta lettre et j'ai compris que tout espoir était fini. Je suis reparti un peu déçu, convaincu d'être. J'y croyais pas que t'étais belle. Qu'est-ce qui m'arrive dans tout mon corps? Je me sens partir, tu me jettes un sort. Un truc bizarre qui se déchaîne, une sorte de bombe qui nous entraîne. Qu'est-ce qui m'arrive dans tout mon corps? Je me sens partir, tu me jettes un sort. Un truc bizarre qui se déchaîne, une sorte de bombe qui nous entraîne.